Hey, just listen record. Demi-p. Hein, écoute ça. Allez, une pour toi, et si on s'en grillait une, juste manière de se poser. J'ai vu que tout le monde joue et les durs. Je voulais dire non, pas de parrain, ni aucune arme sous le bull. En avoir une, c'est simple, mais tirer, ça compte plus. Dehors, c'est H24, combien qui s'entretuent. Vu qu'avancer, c'est le but, mais personne prend du recul. Ouais, les mêmes places qu'on occupe, ouais, les mêmes postes qu'on récup. Qui va travailler demain, qui va donc lâcher les stupes. Gagner du fric, c'est sûr, demande à Oxmo, je t'assure. Car c'est la même à Paname de 7 à la Côte d'Azur. Et les paroles, les parrains de ma rue, ça vend du rêve dehors, chute. Personne n'a vu, non, personne n'a vu. Ouais, le milieu est corrompu. Et la famille est grande, mais tout change quand t'es adulte. Joue pas la mafia non plus, non, vaut mieux se taire. Un petit sample est suffisant pour un petit air de gangster. Simplement des jeunes au plein milieu de la foule. Peut-être bien que le seul point commun avec toi, c'est qu'on en a rien à foutre. Nous dis jamais que le courage y'en a pas. Tout comme les cousins d'Alger, Constantine, Aneba. D'en bas, on présente tous un danger étranger, mais rien à battre, nous on la ferme pas face à leurs flics, leurs discours politiques ou face à eux qui se disent pour le litige. Khlas, ceux qui en tête on le dit, oui fort à tous les frères avec des phases inédites, quitte à redire, nique sa mère s'ils accrochent pas. Si tiens vrai toi-même, tu vois de quoi je parle. Tout comme les miens occupés à faire de la maille, ou les autres au QG qui veulent se faire la malle. Rien à foutre, qu'il y ait des bornes à franchir. Combien de fois pris l'autoroute sans même réfléchir. À force de tomber, j'ai fait du karaté mes chutes. Mais on va pas s'arrêter non plus, on veut pas rater les buts. On entreprend entre grand et entre temps. Le rap me fait du rentre dedans, mais je veux pas hacker les buts. Je compte plus les feuilles où j'ai pas lavé mes plumes. Dans les lettres, je suis l'élève même si j'ai pas tapé d'études. Vaut mieux se taire quand la connaissance manque. J'ai vu des vieux se perdre en même temps, des adolescents se vendre. C'est dans le moteur, je n'ai plus trop d'essence. Tente de courir pour se nourrir avant que l'obsolescence plante. Oui, je m'éloigne de ce cas parasite et ma vie. Joue pas le parrain dans les barrages, des gars parasites, t'es ravi. Ouais, t'es pas là si t'es pas vif, dérange pas ton absence. Et leurs constats n'ont pas de sens. Leurs constats n'ont pas de sens. Oui, leur constat n'ont pas. Entre la réussite sociale et l'accomplissement intérieur, je préfère voir mon cœur sourire, le matériel se détériore. Je ne serai jamais riche et alors à ce jour ce n'est pas à l'ordre. Mais votre définition de la richesse n'est pas là. Notre on parle à nos gars en disant que ça va. On garde la tête haute même quand l'existence nous savate. Nos doutes et nos regrets, oui nous murmurent à l'oreille. Dehors beaucoup de bruit pour rien, alors on s'emmure dans nos rêves. On se sent mûr sans leurs règles. Combien à faire demi-tour sur leur chemin fini s'écrit. En pleine nuit d'un mois de juin, une feuille sur un vinyle j'écris. Amaigri par un train de vie que beaucoup trouvent sans sas. Mais je profite sans cesse avant d'être dans un trou sans sable, frère. J'ai un fossé de chaque côté, derrière ça pousse, devant ça freine. Vas-y fraye-toi un chemin sur le sillon, même s'il saute. Même lorsque ça crépite, je cherche un brin de lumière en marchant sous une sacrée pluie.